Y'en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. It's on the rock, British Connection. Salut, c'est Patrice Léouffre dans British Connection. Me voici aujourd'hui pour vous parler de mon dernier livre, Dynamite Shakers par Dynamite Shakers, sorti aux éditions relatives. Oui, vous avez bien entendu, un livre qui parle d'un groupe de rock français, de ses 4 Vendéens, Lila Rose, Calvin, François et Louane, moins de 100 ans à eux, 4, un groupe formé en 2018, 2 EP, et un premier album en 2024, additionné d'un talent à se damner et d'un avenir tout tracé entre les fourches du diable. Alors pourquoi un tel livre sur un groupe finalement au faible vécu? Petit retour en arrière. Tout le monde se souvient de Don't Look Back, Diapin Baker y filme la tournée de Dylan au Royaume-Uni en 65, caméra à l'épaule et au plus près de l'événement, ou encore de The Last Waltz en 78, où Martin Scorsese accompagne quotidiennement le groupe canadien pour son concert d'adieu. Loin de vouloir faire jeu égal avec ces deux monstres, l'idée a été cependant de faire un peu la même chose, mais en prenant l'événement à son début. Écrire en mode gonzo, façon Bill Cardozo et Hunter Thompson. Privilégier l'ultra-subjectivité, saisir l'essence même des Dynamite Shakers, l'essence du garage rock dont ils s'inspirent, retrouver cette forme brute et agressive du rock'n'roll créée dans les années 60 par quelques groupes américains inspirés par la British Invasion, ressentir en cela les Shadows of Night, Coon Five, Sid, Standles ou autres Kingsmen. Mais pas seulement, recueillir l'essence même de leur musique, leur histoire, leur anecdote ou encore leurs concerts. Et surtout, immersion totale, écrire avec eux, parce que cette musique, le rock, ne s'écrit jamais seul. Et pour la mettre en pratique, eh bien vous prenez deux types d'un certain âge, Thierry Tuborg, ancien du groupe Stalag, aujourd'hui éditeur, et votre serviteur. Deux types qui ont connu Elvis, certes, mais qui ont hurlé et dansé comme des fous sur les Sonics, Little Bob, Flamingroes ou encore Dr. Feelgood. Et bien entendu, Fleshtones et Dogs. Deux types qui sautaient partout tout le temps, tandis que leurs petits camarades de classe s'extasiaient lassivement sur Capitaine abandonné. Vous situez l'âge de ces deux types à présent, et ce qu'ils ont enduré à la récré? Pour celles et ceux qui ont l'âge du capitaine, vous connaissez la suite, puisque vous écoutez British Connection. La vie, on monte un groupe, on trouve un travail, on fonde une famille. Les années passent, un peu moins rock'n'roll, un peu plus banal, bancal, guitare au placard, Ray-Ban dans le tiroir. Et puis soudain, un miracle, un de ceux auxquels on ne s'attendait pas. Un miracle qui ne vient ni de Rouen, du Havre, de Paris, Bordeaux ou Montpellier. Un miracle de Vendée. Les cinq pinots de Saint-Hilaire de Rié, ces rochers chargés de garder l'entrée du trou du diable situé non loin de là, n'ont rien pu faire. Le malin est ressorti de son trou. Après 3 ans de dur labeur, 2021, le rock, cette musique du diable, est donc à présent sous nos yeux via une petite galette de polycarbonate contenant 12 morceaux. 6 reprises époustouflantes par leur approche et leur maturité. Too Much Class for the Neighborhood des Dogs et Laying Pipe des Fleshtones en tête de gondole. Et 6 compositions personnelles à la rage incandescente. Les coupables sont dans une baignoire, ont des têtes d'anges et jouent cette musique du démon. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi ce livre. Avant d'aller plus loin et de vous raconter ce que vous allez y trouver, je vous propose d'écouter Split Brain, extrait du EP éponyme. British Connection, just rock, just rock. I think I have to go home. I think I have to go. It's me in the head. I feel it's gonna blow. And it must be funny. Tell me how you feel. I wanna know. Please tell me. Maybe you don't even see me. Be great, be great, be great. Find myself alone and ashamed. Rock is donc back, c'est une bonne nouvelle, et elle est bien made in France. Messieurs les Anglais, vous aviez pourtant tiré les premiers, mais les agitateurs de dynamite viennent bien de chez nous. Et ils ne sont pas les seuls. Gloire à toi, dieu du rock'n'roll, Johnny Mafia, Kokomo, Alvilda, All In Joe, Slulis, Johnny Carwash, Pogo Car, Crash Control ou encore Friday My Lady. Autre bonne nouvelle, on a tous retrouvé nos 20 ans et c'est gratuit. Les jeunes vont se péter une clavicule et nous le col du fémur, on s'en fout, c'est remboursé par la sécurité sociale rock'n'roll. Alors qu'on se le dise plus que jamais, hope, hope, l'espoir. Réponse que Peter Zaremba des Fleshtones, qui m'a fait l'honneur de faire la préface de ce livre, me fit le 23 février 2023, lorsque je lui demandais ce que lui inspiraient ces quatre petits jeunes des Dynamite Shakers. Hope, ce dont nous avions tant besoin. Cet ouvrage vous propose donc de reprendre un morceau de rock, une route qui ne s'arrêtera jamais, quoi qu'en disent les mauvaises langues. La route de Lila Rose, Calvin, Éloine et François. Les quatre de la baignoire, pochette du premier EP, sont devenus les quatre du canapé, pochette de leur premier album. Vous découvrirez dans cet ouvrage leurs influences et formations musicales, la manière dont ils se sont rencontrés, leurs débuts, la façon qu'ils ont eu de s'investir corps et âme dans un travail acharné de répétition, les années d'apprentissage et leurs premiers concerts dans les campings et les cafés de Saint-Hilaire-de-Riez ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous y découvrirez leurs premières tournées hexagonales, les premières éloges de groupes de légende comme les Sonics ou les Remains, leurs premiers pas en studio, leur amitié avec les Fleshtones et Tony Truant, leur vision du rock ou leur première galette en 2021 suivie de leur premier EP en 2022 avec Split Brain. Enfin, le saut dans le grand bain de la reconnaissance avec la signature sur leur premier label, puis dans la foulée Don't Be Boring, premier album produit par Jim Diamond. En fin d'ouvrage, vous vivrez au plus près de l'enregistrement de leur prochain disque, aujourd'hui en préparation. Tout au long de ces chapitres sont consignés une foultitude d'anecdotes et de témoignages de tous ceux qui ont vécu ce début d'aventure au plus près de la scène. Et vous y trouverez aussi plein de photos inédites. Vous comprendrez aussi l'importance de leur entourage et de la famille, et la destinée enfin qu'ils se sont construites et promises à force de travail, d'abnégation et de répétition. Car si les anecdotes sont parfois croustillantes et si l'alcool coule parfois à flot, une chose est certaine avec les Dynamite Shakers. Ils ne s'approchent jamais de ce qui pourrait leur faire perdre leur âme et ils travaillent de façon absolue et acharnée. Indépendance, authenticité, it's only rock'n'roll. Nous pouvons parler, c'est une phrase que je cite, autant que nous voulons du rock'n'roll, mais le but est de l'expérimenter, de l'entendre, de le sentir. Le flambeau a été passé à Calvin, Éloine, François et Lila Rose. Mais les kids, faites gaffe à ne pas foutre le feu à la baraque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Zaremba. Je vous propose à présent d'écouter Ticket Girl, extraite de l'album Don't Be Boring. Perfectly well that you I know perfectly well that you've got the tickets. I get on every time hoping you'll come with me. I'll never catch that hell that's just above my head, but I want you to see this. I know perfectly well that you've got the ticket. I get on every time hoping you'll come with me. I'll never catch that hell that's just above my head, but I want you to see. Afin d'écrire cet ouvrage, j'ai donc suivi le groupe durant plus d'une année, reprenant avec eux lors de concerts ou d'entrevues l'historique de leur groupe, de leur formation en 2018, jusqu'à aujourd'hui lors de la session d'enregistrement de leur dernier album. 18 mois d'aventure, de partage, de complicité, 2018-2025, 7 ans d'anecdotes, de travail et d'abnégation, de concerts dans de minuscules salles jusqu'à aujourd'hui où la team ne sort plus qu'en tête d'affiche. Lila Rose, Kelvin, Éloane et François, incroyables par leur maîtrise, sensationnels par leur musique et tellement simples et généreux dans leur vie quotidienne. En fin d'ouvrage, vous retrouverez plein de témoignages, amis, famille et bien sûr ceux tellement attachants de Peter, Ken, Bill et Keith des Fleshtones, leur tonton d'Amérique, ainsi que ceux de Tony Truant, mais aussi encore tellement d'autres témoignages poignants. Bienvenue donc dans le Hall of Fame. Cette chanson, vous savez, des Fleshtones, extraite de l'album American Beat sorti en 84. Le temple de la renommée dans lequel ils viennent de s'engager, le temple où le garage est roi et où le volume est toujours à fond. Alors voilà, vous savez maintenant pourquoi deux types d'un certain âge, deux cloches qui patientaient derrière une porte en attendant que le bruit et la fureur reviennent, l'un éditeur, l'autre écrivain, se sont mis en tête de faire ce livre. Simplement pour continuer de rajeunir et ressortir leur guitare du placard. Dynamite Shakers, c'est aujourd'hui un style et un son, rien à envier aux Hives, Strokes, Arctic Monkeys ou autres Libertines. On ne parle donc plus de leur influence. Dogs, Fleshtones, Dr. Feelgood, Sonic Remains, Flamingroes et pardon, n'en parlons plus. Alors, pour conclure, je voulais remercier et je ne les remercierai jamais assez, Lila Rose, Kelvin, Éloane et François, pour leur simplicité, leur gentillesse, leur disponibilité, pour leur bienveillance, leur compréhension, leur tact et leur patience. Mais je ne comprends toujours pas comment et pourquoi en cette journée de printemps 2024, ils ont pu faire confiance à un type de plus de 50 ans au cours d'une première visio mal maîtrisée par l'auteur, au volant de sa voiture à l'arrêt sur un camping inondé au cœur de Lyon, ne pigeant absolument rien à son partage de connexion, ordinateur sur le tableau de bord et casquette vissée sur sa calvitie, balbutiant qu'il voulait écrire un livre sur eux, sans CV, sans référence. Merde, quand même, les kids. Alors pour terminer, je vous propose d'écouter The Bell Behind the Door, toujours extrait de l'album des Dynamite Shakers, Don't Be Boring. Quant à vous, chers futurs lecteurs, je l'espère, il ne vous reste plus qu'à tourner les pages de Dynamite Shakers par Dynamite Shakers, disponible aux éditions relatives, et surtout, à prévenir vos voisins qu'il va y avoir du bruit et qu'ils se préparent un sacré putain de bordel. British Connection, you rock! Because they're reading it to be very loud, but the guy told me